corps, je fais bouger mon corps. Le truc qui me fait du bien dans le dos, et les fesses, le truc qui me fait monter si haut. En vitesse, sur la piste, je perds la boule. À facette, sur la piste, je fascine les poules. À paillette. Le truc qui me fait du bien dans le dos, et les fesses, le truc qui me fait monter si haut. En jeunesse, sur la piste, je perds la boule. À facette, sur la piste, je fascine les foules. À paillettes. Monter si haut, en tête, sur la piste.